Question 19. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, je peux rouler à 90 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 60 km/h. Réponse C. 50 km/h. Réponse D.